prêt à m'arrêter dans l'intersection numéro 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D.